Vendredi 11 janvier 2013, vous écoutez La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous pour cette édition de La vie en BD jusqu'à 18h30 et de retour en onde, première édition pour 2013. C'est donc un plaisir de vous retrouver, de pouvoir continuer dans une nouvelle année, dans un tout nouveau contexte, à vous parler donc de bandes dessinées et à visiter ensemble au fil des semaines l'univers du 9e art. Et pour cette semaine, on porte un retour en arrière, on fait un retour en arrière, on en fera d'ailleurs sporadiquement au fil des prochaines semaines, puisque ce sera un peu janvier-février, c'est un peu nos semaines rattrapage où on essaie de voir les publications qu'on a échappées au cours de l'automne dernier, en attendant la prochaine grande vague également de publications qui s'en vient généralement autour notamment du Salon du Livre ici à Québec. Et notamment, il y a une nouvelle collection qui avait été lancée, l'annonce avait été faite l'été dernier, la première publication également à la fin de la saison estivale, ça s'appelle Émeute à Golden Gate de Jake D. C'était la première publication d'une collection qui s'appelle Anticyclone, réalisée par l'équipe de Front Froid. Et il y a eu une deuxième publication à la fin de l'automne, donc autour de novembre, intitulée La Petite Révolution. Ça, c'était de Boom. Et donc, deux bandes dessinées à saveur de révolution, mais à la facture bien différente, qu'on aura l'occasion d'explorer aujourd'hui, puisqu'on discutera avec chacun des auteurs. D'abord, Jake Dion, donc dans quelques minutes. Et également, en deuxième partie, on parlera avec Boom. Donc, voir un peu de quelle manière ils ont abordé cette thématique-là, et également de porter un regard, donc, sur ces deux premiers albums d'une collection qu'on espère qui connaîtra un beau succès au fil des éditions. Alors voilà pour l'émission d'aujourd'hui, également de passage en fin d'émission, Thomas-Louis Côté, notre collaborateur, avec qui on discutera de diverses thématiques autour de la bande dessinée, donc ça ce sera en fin d'émission. Alors voilà pour le menu. Et je vous rappelle évidemment nos blogs, notamment au voir.ca, donc voir.ca/Raymond-Poirier pour mon blog personnel. Également lavieenbd.wordpress.com pour aller entendre les podcasts et autres éléments. Et sinon, avant de se lancer en musique et en commentaire BD, deux actualités. Qu'on signale, ça s'est passé juste avant le temps des fêtes, mais juste après notre dernière émission, le mangaka Keiji Nakazawa, qui est décédé le 19 décembre dernier d'un cancer des poumons à l'âge de 73 ans. Qui est-il? Notamment, on le connaît pour son œuvre majeure, en fait, Gen d'Hiroshima. Une œuvre très solide, là où il raconte la bombe, la mort de son père, de sa sœur, les conséquences des irradiations, la société militariste japonaise, le marché noir, l'occupation américaine. Une très belle BD. Et donc, si vous ne l'avez pas lu, faites-le de manière posthume, pourquoi pas, et à la mémoire donc de son auteur, Keiji Nakazawa. Et sinon, autre nouvelle, et là on saute complètement de type de sujet, on parle plutôt d'Angoulême. On fait le festival édition 2013 s'en vient, 31 janvier au 2 février prochain. Et ce sera un élément qui sera surveillé pour l'édition 2013, ce sera évidemment le Grand Prix, mais pas simplement parce que c'est le Grand Prix. Donc les organisateurs ont décidé de changer la donne et de changer la manière dont ce prix sera octroyé cette année. Donc ce qui va se passer, c'est, on le sait, il y a beaucoup de gens du milieu de la bande dessinée qui se retrouvent à Angoulême, des éditeurs, des auteurs, des dessinateurs, des scénaristes, des encreurs. Et donc ils s'y retrouvent et ils ont une opinion sur qui devrait remporter ce Grand Prix. Et c'est cette opinion-là qui sera sollicitée. Donc chaque personne qui œuvre dans le milieu, qui est à Angoulême lors du festival, pourra donc se prévaloir de son droit de vote, se rendre au bureau du comité électoral et faire son choix parmi 16 candidats et candidates au Grand Prix. Alors, qui sont-ils les finalistes? Je pense que plusieurs noms que vous reconnaîtrez. Pierre Christin, Cosé, Nicolas de Crécy, Herman, Manu Larsenet, Lorenzo Mattiotti, Alan Moore, Katsuhiro Otomo, Marjane Satrapi, Johan Sfar, Posy Simmons, Jiro Taniguchi, Akira Toriyama, Jean Van Am, Chris Ware et Willem. Alors, ce qu'on va demander aux gens, c'est de choisir un parmi ces 16-là. Ça sera pas facile, évidemment. Et donc, l'élu sera donc le gagnant du Grand Prix 2013. Alors, ce sera surveillé pour diverses raisons et pour voir justement qu'est-ce qui ressortira de ce vote public-là. Et d'ici là, on pourra toujours se demander, de ces 16 noms, pour nous, lecteurs, nous, amateurs de BD, pour lequel voterions-nous? Alors, on se lance la question et pendant qu'on y réfléchit tendrement sûrement, on part en musique. La formation qui nous accompagnera cette semaine au fil de l'émission, c'est Monk, un album qui s'appelle Raw Futuristics, qui comme à l'habitude est disponible pour téléchargement gratuit, cette fois-ci sur le site bandcamp.com. On écoute un premier extrait qui s'appelle Schizophrenia. Et voilà donc un premier extrait de la formation Monk, et on en écoutera d'autres donc au cours de cette édition de La Vie en BD. Quelques commentaires BD, puisque ma pile a descendu au fil des semaines du temps des fêtes, et donc j'ai envie de vous parler de quelques-unes d'entre elles avant qu'on se lance vers nos habituelles entrevues. Notamment, en fait, une bande dessinée qui me fait toujours demander à chaque fois pourquoi. C'est pas mauvais, c'est pas inintéressant, ça ne l'a jamais été, et de toute évidence, les auteurs réussissent à capter l'essence de ce qui était fait à l'époque, mais parallèlement, on parlait d'ailleurs de ça avant le temps des fêtes avec certains de nos collaborateurs. Il y a toujours le défi, donc, quand on reprend une série qui avait fait ses preuves, qui a marqué son époque à différents degrés, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette série-là. Est-ce qu'on essaie de reproduire ce qui était fait à l'époque, ou est-ce qu'on essaie de faire nouveau, donc de renouveler un peu la donne autour, justement, de cet univers-là. Donc, dans certains cas, on renouvelle, on apporte des choses pertinentes à cet univers-là. On pense notamment au Lucky Luke, pour rester également dans les sorties récentes, au Lucky Luke de Benakista notamment, et de Daniel Pennac, et un nouveau d'ailleurs qui est arrivé l'an dernier, Cavalier Seul, où un peu à l'image donc de Lucky Luke contre Pinkerton, on réussit donc à amener à changer un peu la dynamique qu'on proposait dans les albums originaux de cette série-là. Dans ce cas-ci, donc Pennac et Benakista ont proposé donc de changer la relation entre Lucky Luke et Eddie Dalton, de changer le rapport de force, le rapport face à la loi, aux autorités en place. Donc ce qui se passe dans la bande dessinée, c'est qu'on retrouve donc les quatre Dalton qui, après un énième coup foireux, donc décident de se séparer, de se lancer un défi, de se dire qui sera le premier, nous, à réussir à aller chercher $1 million par quelque moyen que ce soit, cette personne-là sera le nouveau chef des Dalton. Et donc, ils se lancent chacun dans leur voie, dans la restauration, dans les banques, dans la gestion des casinos, dans le vol et autres. Et donc, ils essaient de monter leur million. Évidemment, ils sont évadés de prison, donc la loi est toujours à leur trousse, en la personne de Lucky Luke. Mais dans les situations où ils se retrouvent, Lucky Luke est face à un système qui veut garder les Dalton en place pour différentes raisons. Alors, ça amène une dynamique assez intéressante, et de là, donc, une BD également qui fait plaisir à lire, qui fait plaisir à découvrir. Alors ça, c'est Cavalier seul, donc vraiment une chouette idée de la part des auteurs. Et donc, comme on le dit, eux savent et eux ont su, face à un univers aussi établi que Lucky Luke, ben comment apporter quelque chose de suffisamment intéressant pour amener la série ailleurs. Donc ça, c'est un bon exemple de reprise, à mon avis, du moins pour les deux derniers. Ils se sont cherchés un peu au début, mais là, ils semblent avoir trouvé leur recette. Inversement, vous avez André Juillard et Yves Saint qui, eux, ont repris la série Blake et Mortimer. Et, bon, oui, à l'image de Lucky Luke, on retrouve un peu les codes graphiques de cette série-là, donc on peut pas non plus réimaginer l'ensemble. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils ont aussi choisi de garder l'essence scénaristique de la série et de plutôt tenter de reproduire ce qui était fait jadis, donc, dans cette série de Blake et Mortimer. Et ce qui fait que on se retrouve avec des albums très récents, je veux dire, c'est sorti fin d'automne dernier, mais qui immédiatement et irrémédiablement ont une petite odeur de daté, et enfin, on a l'impression que c'est des rééditions plutôt que des nouvelles bandes dessinées. Donc c'est un peu triste d'empêcher un univers qui pourrait être intéressant dans le contexte, avec des thématiques et un rythme peut-être un peu plus actuel, donc d'empêcher cet univers-là d'évoluer et donc de le garder dans une espèce de latence qui fait qu'on a aussi l'impression peut-être de trouver que cet univers-là a un petit côté de redite, donc qui est malheureux. Et qui fait que ce dernier-né de la série Blake et Mortimer, le 21e, le Serment des Cinq Lords, ben certes, est efficace, certes, se lit agréablement, mais n'apporte rien de neuf et de rien d'intéressant à la série qui pourrait justifier son intérêt pour des nouveaux lecteurs. Donc, ceux qui aiment, qui ont envie de se replonger dans l'ambiance des vieux Blake et Mortimer et qui n'ont pas envie de relire leurs vieux Blake et Mortimer vont apprécier ce 21e tome-là. Mais pour les autres, ben qu'on lise celui-là ou qu'on lise les autres, il n'y a pas énormément de différence dans le rythme, sauf que, malheureusement, si on le compare avec le reste de la série, ben c'est pas une des grandes histoires non plus de cet univers-là. Alors, on peut difficilement justifier sa lecture pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans cet univers-là, à mon humble avis, évidemment. Alors, là-dessus, je reprends mon souffle et on repart en musique. Au retour, on discute avec Jake Dion et on écoute la pièce Mad Spective Part 2 de Monk. Malheureusement, on n'est pas en mesure de rejoindre Jake Dion pour le moment. Ce sera peut-être pour plus tard. On va discuter tout à l'heure également avec Thomas Louis Côté, mais avant donc de passer à ces sujets-là et ces éléments-là, peut-être petite note au passage, je tenais à vous en parler cette semaine. Retour sur le rapport annuel, l'enquête donc de l'Association des critiques de bande dessinée sur les gros vendeurs. Je trouve toujours ça intéressant de voir un peu le côté financier du milieu de la bande dessinée. Alors, on remarque notamment une hausse de la production d'albums BD. C'est le cas d'ailleurs depuis 17 ans à chaque année. Cette fois-ci, pour 2012, comparativement à 2011, on parle d'une hausse de 4,28%. Donc, un total de 5565 bandes dessinées publiées en France. 4109 nouveautés. Évidemment, petite note qu'on mentionne, tous les albums sont loin de bénéficier des mêmes tirages, de la même mise en place. Il y en a 281 de ces nouveautés-là qui sont seulement diffusées localement ou via Internet, qui n'encombrent donc pas les rayonnages des librairies. Et également, mais de ces 4109 nouveautés-là, il y en a qui se démarquent. Il y aurait 89 séries ou œuvres indépendantes d'auteurs bien installés qui ont été tirées à plus de 50 000 exemplaires en 2012. Parmi ces gros noms, par exemple, les cinq principaux vendeurs, c'est le tome 13 de Titeuf, de Zep, 1 million d'exemplaires. Lucky Luke, dont on a parlé tout à l'heure, à 450 000 exemplaires. 440 000 pour le 18e Largo Winch de Van Am et Frank. Et un autre album dont on vient de parler, le 21e Blake et Mortimer, qui a été tiré également à 440 000 copies. 350 000 pour 13. Et ensuite, on suit avec des noms comme Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B, Chris de Valnard et Louvre de la série Les Mondes de Torgal, des séries pour jeunes publics comme Cédric, Kid Paddle, des séries comme Le Chat également, d'autres comme Les Légendaires Origines, etc. Donc, ils se retrouvent en tête de ces ventes. Et ce qu'on remarque de manière générale, c'est qu'à de rares exceptions près, les chiffres de tirage et locomotives du secteur sont tous fortement en baisse. Aujourd'hui, en fait, les éditeurs ajustent au mieux leur coût en imprimant ce qu'ils espèrent être les ventes d'une première année de mise en place, tout en tenant compte des ventes effectives des précédents volumes. Ce qu'on déplore aussi en France, notamment, c'est la polarisation du marché entre quatre groupes: Delcourt, Média Participation, donc qui regroupe notamment Dargaud, Dupuis Lombard, etc., Glénat et Gallimard. Mais même si le marché est dominé par ces quatre-là, il y a quand même 326 éditeurs, toujours en France, donc qui ont publié des BD en 2012. Donc, intéressant à suivre, évidemment. Et côté numérique, ce qu'on mentionne, c'est que l'offre légale, certes, progresse, mais pas au même rythme que l'offre illégale. Il y a à peu près 6000 titres qui sont disponibles légalement, et il y en a 10 000 qui sont disponibles illégalement, du moins qui ont été recensés donc par l'Association des critiques de bande dessinée français. Alors, ce serait intéressant de voir, justement, laquelle des deux offres, disons, réagira plus rapidement à la montée en popularité ou à l'intérêt soutenu qu'on observe pour la bande dessinée. Alors on met ça dans notre pile de dossiers à suivre et on repart en musique. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au micro jusqu'à 18h30 ce vendredi, et maintenant en compagnie de notre collaborateur Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Et j'aimerais qu'on fasse le pont, Thomas-Louis, qui, dans l'une de tes vies parallèles, mais en fait, agit comme directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On a parlé un peu des ventes françaises. Si on essaie d'extrapoler sur les ventes québécoises, qu'est-ce qu'on peut faire des parallèles? On peu, sauf que personnellement, j'ai pas les chiffres de vente au Québec. Cependant, on peut quand même voir qu'au Québec, les tirages sont quand même beaucoup moins importants que les tirages européens. Des très, très gros tirages, des choses comme Michel Rabagliati, on parle de tirages à peu près 30 000, c'est vraiment des énormes tirages par rapport à ce qui se fait au Québec en bande dessinée. Parce qu'on s'entend qu'un succès moyen en bande dessinée, quand un succès, on parle 1200, 1500 ventes, il y a des beaux succès à près de 5000 ventes, mais rares sont les albums qui vont réussir à franchir les chiffres qu'on peut voir dans le rapport de la CBD, là. Ouais, en fait, j'imagine si on fait un parallèle, par exemple, avec une série comme Les Nombris ou encore Les Druides de Jacques Lamontagne. Donc, en Europe, on parle quand même de bons tirages, de bonnes ventes. Au Québec, aussi, du moins pour Les Nombris, mais c'est pas... Exactement. Ben, c'est le marché qui appelle ça aussi, je dirais. Mais je voyais dans le rapport, Les Druides, justement, se situe vers la fin dans les listes de ventes qui sont répertoriées. On parle de 22, 25 000, ce qui est quand même de très beaux tirages pour un auteur québécois. Cette année, je voyais pas Les Nombris, mais l'an dernier, je sais qu'il était à 190 000 exemplaires, ce qui était énorme. Ils étaient dans le top 10 des tirages. Donc, les je trouve que c'est quand même assez courageux des éditeurs québécois là, de poursuivre de faire de la bande dessinée, parce qu'il faut vraiment vouloir en faire, et les tirages qui sont assez limités permettent rarement de faire vivre les auteurs. Là. Ça, j'imagine, c'est un peu la clé d'ailleurs, et d'amener les auteurs québécois vers le marché européen. Il y a des éditeurs, on pense à Glénat, qui le font systématiquement. La filiale Glénat Québec qui est tout simplement éditée sous le nom de Glénat en Europe. Exact. Et inversement, pour les petits éditeurs, on pense à Papa ou la qui doivent trouver une manière de faire leur chemin aussi vers les États européens. Pas, je veux dire, le marché, le paysage de l'édition au Québec, il y a quand même plusieurs. Il y a quelques éditeurs spécialisés. On parlait de la Pastèque, qui est peut-être le plus gros et le plus connu en Europe aussi. Mais des gens comme Pawpaw, La Mauvaise Tête, et il y a beaucoup de généralistes maintenant qui font de la bande dessinée aussi. Des choses comme Québec-Amérique, Bayard et Les Intouchables aussi. Donc, c'est le paysage de la bande dessinée, on dirait qu'il y a de plus en plus d'éditions de bande dessinée au Québec. Cela dit, les tirages restent quand même assez faibles. Une des portes de sortie, comme tu disais, c'est soit pour un auteur d'être publié en Europe, mais quand même, si on encourage l'édition au Québec en étant publié chez des éditeurs québécois, il y a quand même moyen d'avoir une belle visibilité, mais ça prend une distribution à l'extérieur du Québec. Et pour avoir une distribution, il faut avoir des réseaux, faut que l'éditeur québécois ait quelque chose, ait une alliance quelconque. Oui, mais tu le voyais sur le rapport de la CBD où on parle à peu près au-dessus de 5000 titres qui sont sortis. Les albums qui passent en librairie passent très brièvement, à moins d'être vraiment un succès. Donc, le défi est vraiment encore plus grand pour un éditeur de l'extérieur de l'Europe, de se trouver un distributeur avec des auteurs qui sont en voie d'être connus en Europe, mais qui ne le sont pas nécessairement pour l'instant. On peut penser à Michel Rabagliati, qui a eu un succès grimpant en Europe. Mm-hmm. Je veux dire, le prix qu'il a gagné à Angoulême lui a vraiment donné des ailes, mais avant ça, il faisait partie des auteurs qui étaient distribués, mais qu'on voyait peut-être moins un peu dans les librairies. Parce que surtout, tu parlais des quatre grands groupes qui ont à peu près 80% du tirage. Dans le 20% restant, il y a une multitude de petits éditeurs, et les éditeurs québécois qui sont présents en Europe font partie de ce lot-là. Donc, d'arriver en librairie avec des formats qui sont pas nécessairement des formats standards, formats standards de romans graphiques, mais reste que c'est des choses qui sont placées, qui sont déplacées aussi en librairie assez allègrement. Donc, d'avoir une nouveauté qui reste en tablette, c'est quand même un exploit. Donc, pour un éditeur québécois d'arriver en Europe et encore là d'avoir une belle distribution, c'est un grand défi. Défi que des gens comme la Pastèque sont en train de relever quand même de façon très, très éloquente. Dans le fond, ce qu'il faut, à la limite, c'est essayer de voir justement s'il y a un événement, s'il y a quelque chose qui est venu renverser la vapeur ou donner le coup de pouce. Tu parlais du prix de Rabagliati, par exemple, pour la Pastèque. Ben, j'imagine qu'au niveau distribution, ça a dû donner cet élan-là. Et donc, ça crée une demande. Ça permet aussi de faire connaître auprès des amateurs. Il faut à la limite que les éditeurs d'ici fassent un peu la route des festivals pour faire connaître, pour mousser leurs auteurs. Je veux dire, un festival comme Lyon BD auquel j'ai assisté, il y avait justement la Pastèque qui était présente, et la Pastèque qui fait plusieurs festivals. Pow Pow qui est venu aussi à Lyon BD cette année. Je veux dire, c'est des façons de se faire connaître. Et de là à se trouver un marché de distribution, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup, beaucoup de travail à faire. D'être présent à Angoulême, entre autres, avec un kiosque, je sais que les gens de Colosse étaient là l'an dernier, avec Julie Delporte et autres. C'est une façon de se faire voir, de se créer une clientèle, mais ça se bâtit tranquillement. Non, ça c'est vraiment, c'est beaucoup d'efforts. Et il y a toujours le défi aussi d'essayer à court terme de pas nécessairement y aller, j'imagine, en ayant en tête de contrebalancer le coût du billet, du transport, du déplacement, non, avec les ventes qu'on va faire là-bas. C'est des investissements. C'est se donner à long terme de la visibilité. Mais c'est un travail d'arrache-pied, puis il faut le faire en continu. Donc c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et tu sais, on parlait des tirages limités au Québec et du fait que de vivre de la bande dessinée au Québec, c'est quand même assez difficile. Il y en a quand même pas mal de gens au Québec qui en vivent de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire qui en publient ou qui font des ateliers et tout, publient en magazine aussi, mais publier en Europe, c'est vraiment peut-être la façon la plus simple là, à ce niveau-là. Et déjà même, les rapports commencent à faire état d'une certaine paupérisation du métier de BDiste, quand on y va purement avec justement la création BD, qu'on rentre pas en compte l'illustration sur les commandes et autres, mais purement la publication d'albums, on essaie de réduire les coûts au niveau des éditeurs. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup d'albums publiés. Mais les coûts au niveau de l'édition, je veux dire, les coûts ont évolué beaucoup par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, par exemple, où aujourd'hui, beaucoup d'auteurs qui font autant le dessin que le scénario, voire la couleur, arrivent chez l'éditeur avec un album qui est quasiment prêt à imprimer, ce qui n'était pas le cas avant, où il fallait scanner les pages individuellement, donner à la coloration, faire à la main, à la gouache et tout ça. C'est des coûts qui étaient décuplés, dans le fond, par rapport à ce que c'est maintenant. Cela dit, on parle de la bande dessinée numérique qui est une autre façon aussi qui coûte moins cher que l'édition, mais qui n'a pas encore nécessairement trouvé son public. Ben, en fait, son public, mais j'ai l'impression que c'est un modèle de rentabilité au niveau des ventes de publicité et autres. Et de quelle manière on peut rendre cette activité-là rentable? Donc oui, dans les lecteurs numériques et autres, mais simplement même la BD web, il y a un moyen de rentabiliser ça, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Des mauvais gens et des expériences qui ont été faites, mais ça risque, qu'il n'y a pas encore de formule gagnante, magique pour réussir en BD numérique. Puis les tirages, je parlais avec un auteur quand même très reconnu à Montréal et qui me disait qu'au niveau des ventes, il était un des très bons vendeurs au niveau numérique pour son album sur tablette, puis il était à une soixantaine de copies pour le mois. Donc c'est négligeable par rapport à ce que c'est en impression papier. Là. En fait, ça montre à quel point la bande dessinée, peut-être contrairement à d'autres branches de l'univers littéraire, ça reste donc une culture de l'objet qui est très importante. C'est un peu le métissage, il faut le dire aussi, entre justement les arts visuels et la littérature. C'est à mi-chemin et on a encore besoin de l'objet dans bien des cas pour apprécier la teneur de l'œuvre et l'ampleur de l'œuvre. Oui, mais j'ai l'impression, moi, qu'il va y avoir avec les nouvelles générations qui arrivent, qui ont grandi avec les tablettes graphiques, avec les téléphones intelligents, qui vont lire beaucoup de mangas là-dessus, ça va créer une nouvelle clientèle qui va amener à redécouvrir, si on veut, la bande dessinée au numérique. Mais des gens, j'ai 37 ans, je suis pas si vieux que ça, mais des gens de mon âge, voire un peu plus jeunes, d'avoir le plaisir de lire sur une tablette une bande dessinée, c'est pas encore ça. En même temps, ça dépend du type de bande dessinée. Tu mentionnes des mangas ou encore, on peut dire, les comics américains aussi, qui graphiquement, en fait, ont leur qualité, mais le côté très sérial de la chose, donc mensuel, des BD qui sont très courtes, qui sortent très souvent, donc un suivi comme ça, ben, il me semble que c'est plus facile à amener vers le format tablette qu'une BD, je pense, par exemple, Michel Faradeau, Frenchies 86, ben, d'amener ça sur tablette, c'est une autre paire de manches. C'est pas la même expérience et il n'y a pas les mêmes attentes de la part du lecteur. Et des grandes, des pavés comme Abibi et d'autres. C'est 180 quelques pages. Là, c'est... Je ne suis pas sûr qu'il y aurait un plaisir de lire ça nécessairement, mais effectivement, l'objet est très beau en partant, donc c'est intéressant de l'avoir. Mais il y a aussi en bande dessinée tout un problème, ou en tout cas la situation de la collectionnite aiguë. Donc les gens veulent l'objet et c'est une chose qui dans le numérique n'existe pas. Tu as virtuellement l'objet et de collectionner tes fichiers sur une clé USB, c'est pas nécessairement la même chose. Ça n'a pas le même impact. Non, exactement. et en même temps, c'est toujours intéressant aussi de se rappeler quand on mentionne plus de 5000 parutions en France, on n'en a qu'une fraction c'est qui en traverse. Francophone, en Europe francophone. Il n'y en a qu'une fraction qui traverse au Québec. Là. Oui, mais c'est que là-dessus, on parlait des grands éditeurs. C'est certain qu'eux ont une distribution au Québec quand même bien implantée. Il y a des petits éditeurs suisses, des petits éditeurs belges. qu'on voit pas ici là. Donc il y a une portion quand même au niveau des albums qui se rendront pas dans, il y avait une, la même chose à l'époque il y a quelques années quand même où le comptoir des indépendants qui représentait l'association RACAM et d'autres avait une distribution qui était moins importante au Québec, puis il y a des choses qu'on n'a pas vu passer qui sont devenues des succès. Je pense à Persepolis qui est arrivé tard par rapport à la popularité que ça a eu en France. Donc c'est pas toujours évident de d'avoir des succès surprises. Tu sais, t'as des succès surprises Pinocchio des Requins Marteaux qui a gagné un prix à Angoulême, je crois que c'était le Grand Prix. Ce Requin Marteau est pas nécessairement une maison d'édition qui est très bien distribuée ici. Là, ça l'est mieux par les changements de diffuseurs puis les succès remportés par certains albums. Mais il reste que c'est des albums que ils remportent un succès puis tout à coup on le voit apparaître ici. Mm-hmm. Mais c'est rare qu'on ces albums-là, si ça n'avait pas remporté de succès en Europe, je suis pas certain qu'on l'aurait eu nécessairement ici. Mais inversement, mais comme là il y a eu le succès, ça devient plus facile à vendre, à proposer, exact. Ça devient plus intéressant. Mais il y a une multitude d'éditeurs en Europe. On parlait, il y a Angoulême qui se tient à la fin du mois. Je veux dire, c'est des tentes remplies d'éditeurs qui vendent leurs produits. Avoir ce nombre de livres ici, mais il n'y a pas une librairie au Québec, je pense, qui pourrait tenir tout ça. Il y a des grandes librairies comme Planète BD à Montréal, Phylactère à Québec, qui ont quand même un bon inventaire d'albums qui sortent des sentiers battus. Mais jamais il pourrait avoir le fond qui existe en bande dessinée. Oui, puis inversement, en fait, sur 5000 albums, c'est pas tous les albums non plus qui sont bons. Il y a quand absolument. Même. Il y en a des très bons qu'on reçoit pas, mais il y en a aussi qui se démarquent juste tout simplement pas d'aucune façon. Exact. Donc, ça, c'est pas. C'est des goûts personnels, mais il y a des choses qui traversent ici qui ne seraient pas nécessairement nécessaire, puis il y a des choses qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas malheureusement. Et en terminant, Thomas Louis, de tout ça, si on reste dans les ventes, dans les regards, dans la distribution, est-ce qu'on a l'impression que le milieu européen québécois se porte bien et qu'on parlait d'une hausse des ventes en Europe? Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu la même chose au Québec, qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la BD? Je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Cela dit, ça reste que c'est un champ d'édition qui est vraiment pas facile et qui est en mouvance. Donc, des gens comme la Pastèque ont réussi à se tailler une place puis à la maintenir. Mais on voit par exemple les 400 coups présentement qui publient moins de bandes dessinées, puis il y a des nouveaux arrivants là-dedans comme Front Froid qui avec La Petite Révolution qui commence vraiment à se placer. Donc ça bouge beaucoup. Alors on met ça dans nos piles d'éléments à suivre en ayant espoir que ce bouge beaucoup-là continue de tendre vers le côté positif et que l'intérêt vers la bande dessinée continue de croître, en fait. C'est ce qu'on espère. Exactement. On souhaite de belles découvertes dans la prochaine année. Et nous, Thomas Louis, on se dit à bientôt. À très bientôt. Alors, on prend une courte pause publicitaire. C'est Thomas Louis Côté avec donc ses commentaires BD encore à venir, mais notamment, on va discuter avec Boom. Alors, toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les geeks contre-attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus? Cet hiver, à Télé-Québec, devenez chasseur de tendance avec les bobos. Vous avez l'œil affûté, l'esprit allumé, le geste généreux? Car on ne part pas à la chasse qui veut. Oh non! Oh non, non, non! Marc Labrèche et Anne Dorval sont les bobos ce soir, 20h. Tout un hiver! Ah, Télé-Québec! Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 20 janvier, 20h, au Cercle, entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion 190 Saint-Joseph-Est. dès 17h. Une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestations d'Antoine Graton et DJ set de D. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. La radio. Ici René, le cavalier, elle est membre du groupe Rock et Belles Oreilles. M'ont fait dire, de vous dire, qu'ils écoutent CKRL. Deux arrêts. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. D'ailleurs, on vous invite à nous suivre sur Facebook, facebook.com, La Vie en BD, donc avec le petit tiret, évidemment, entre le .com et le la. Alors, on avait mentionné en ouverture une nouvelle collection qui est apparue au cours de l'année dernière, donc collection Anticyclone, courtoisie de l'équipe de Front Froid. Deux premières publications, donc Émeute à Golden Gate de Jake Dion et La Petite Révolution de Boom. Et c'est sur cet album que notre attention va s'attarder au fil des prochaines minutes, puisqu'on a le plaisir d'être en compagnie de l'auteur. Boom, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, un album dans lequel on retrouve un métissage entre Borisien, la révolution industrielle, un petit côté Les Misérables même. J'ai déjà lu que vous aviez noté en entrevue que, essentiellement, La Petite Révolution, ça regroupait un peu tout ce que vous aimiez. Oui, en effet. Il y a aussi un truc que t'as pas nommé, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai écrit, initialement, ce récit-là, je l'avais écrit comme nouvelle pour un cours à l'université. Un cours de création littéraire, puis en même temps, je suivais un cours complémentaire de l'histoire de l'URSS, puis je pense que ça se voit pas mal, là. J'étais pas mal influencée parce que je ramassais dans ce cours-là, et c'est ça, dans le fond, j'ai juste mis ensemble des choses que j'aimais, ça a fait un gros melting pot tragique. Oui, ça s'en présente un peu l'histoire. En fait, c'est celle d'une jeune fille, d'une orpheline, Florence, qui vit sous le joug d'un dictateur. C'est essentiellement l'histoire, en fait, si je résume en une phrase, tu me diras ce que t'en penses. C'est l'histoire d'une orpheline qui lutte pour sa survie, pour la survie de son peuple. Oui. Ah. Même un peu sans le savoir au départ, mais oui. Surtout pour sa survie au début. Et je suis d'accord. Et qu'est-ce qui t'avait attiré vers ce type de récit-là? C'est dur à dire. J'ai créé le personnage de Florence il y a assez longtemps. Il me semble que j'étais au secondaire. Je l'avais dessiné dans un cahier. Puis il y a des personnages, des fois, qu'on crée qui nous hantent. Donc, je l'avais dessiné, me donné sur un coin de page. Puis je m'étais dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec elle à un moment donné. Et j'aime beaucoup créer des personnages qui ont une allure fragile. Disons, une petite fille orpheline qui a faim, qui vole, ce genre d'affaires-là. Mais de montrer qu'il y a plus à voir avec ce personnage-là. Le personnage est fort malgré sa situation, malgré sa stature et tout ça. Donc, l'univers s'est créé un peu autour d'elle parce que je voulais absolument qu'elle ait ce genre de personnalité-là. Puis mon but, c'était de montrer la force de Florence. Donc, ça s'est créé un peu comme ça. Puis j'aime les histoires un peu, pas nécessairement tragiques, mais j'aime les histoires sombres, j'aime le malheur. Je suis bizarre, dans le fond. Oui, parce qu'en même temps, c'est les albums, justement, ou les BD, même pour lesquels on vous connaît un peu plus, c'est ton travail humoristique, en fait, les Boomeries. Et ça, La Petite Révolution, mais c'est très différent. Je veux dire, on reconnaît que c'est Boom, il y a un côté graphique qui est similaire, mais côté thématique, c'est aux antipodes. Oui, mais en fait, l'humour, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup quand même aussi. J'ai fait des études en animation, et mes films étudiants, c'était surtout humoristique, parce que le format court permet plus facilement l'humour. T'es pas obligé, t'as pas une grosse histoire de fond à raconter, t'es pas obligé de mettre en contexte, t'as un gag, là. Donc dépendamment du format, l'humour ne s'ayait que pour le format de Boomerie, mais les histoires tristes, c'est quelque chose que j'écris aussi depuis tellement longtemps que La Petite Révolution, c'est un peu revenir à mes sources. Et qu'est-ce que fait que, justement, c'était le moment que le concours, en fait, qu'avait lancé l'équipe de Front Froid pour la collection Anticyclone, c'était un peu le moment où t'as eu envie de te relancer, justement, dans cet autre amour-là qu'on n'avait pas encore eu le plaisir de voir en format BD? Ben oui, c'était parfait, parce que Front Froid, il publie la BD de genre. Moi, honnêtement, je trouve que je suis borderline, parce qu'il n'y a pas c'est pas extrêmement graphique, c'est pas de la science-fiction, c'est de la fiction, oui, mais c'est pas de la grosse science-fiction avec des mechas, puis dans un futur incertain. Mais dans la description du concours anticyclone, il disait qu'il recherchait aussi beaucoup un développement psychologique des personnages, puis ça, moi, ça m'attirait plus, vu que je voulais montrer que Florence était forte malgré la situation dans laquelle elle était. Donc, je me suis lancée. J'avais cette histoire-là que j'avais écrite il y a quelques années pour l'école, que j'aimais beaucoup quand même, là, que j'ai corrigé, que j'ai adapté et que j'ai envoyé. Puis finalement, ça a donné ça. Et à l'intérieur de cette BD-là, donc c'est quand même court, et c'est à la fois court et long, si on peut dire. On a peu de pages pour établir justement l'univers, les personnages. Tu nous parles notamment de la force de Florence. Faut rapidement se rendre compte de sa force, de sa dynamique qu'elle a, notamment avec son ami Auguste, qui est plus faible à certains égards au niveau physique. Et donc en quelques scènes, en quelques éléments, ou ne serait-ce que l'idée aussi de lui donner l'habitude de fumer la cigarette à Florence, ça nous donne le côté dur à cuire de cette fille-là, mais derrière lequel il faut retrouver la fillette aussi, donc c'est faut que ça soit balancé. C'est un bon défi au niveau de la création, justement, sur papier, de ces personnages-là. Ben, j'espère que j'ai réussi. Oui. Tant mieux. C'est vrai que, dans le fond, quand je l'ai vu imprimé, surtout, c'est quand même 100 pages comme livre. Quand je l'ai vu imprimé, je le trouvais bien mince comparativement au travail que j'avais mis dessus. J'ai travaillé sans relâche, quasiment pendant des mois, à faire au moins une page par jour. Puis à la fin, j'étais bien fatiguée, mais bien contente de l'œuvre que j'avais faite. C'était mon plus long projet de BD. En termes de dessin, j'ai fait de l'animation. Donc, si je dis « Ah ouais, mon film avait 1850 dessins », ça a l'air d'être beaucoup, mais finalement, la BD m'a pris quasiment autant de temps. Mais tant mieux si c'est réussi, ça me rassure. C'était un de mes grandes peurs, vu que j'étais reconnue surtout pour mes BD de 4 cases. J'avais peur de faire la transition à un roman graphique de 100 pages, puis de me planter. Oui, parce que j'imagine au niveau même de l'organisation du travail, de la manière de scénariser, faut se donner une autre méthode, parce qu'on n'aborde pas non plus une histoire de 100 pages de la même manière, justement, en termes de création et de travail, que des strips de 4 planches. Non. Je m'y suis prise différemment, mais comme j'avais fait des storyboards avant, puis un peu de planification aussi, je savais comment m'organiser, mais c'était la première fois que je faisais ça. Et on a mentionné en d'entrée de jeu, en fait, Boris Vian, qui est très, très présent dans La Petite Révolution à travers sa chanson « Le déserteur ». Est-ce que c'est venu dès le départ ou c'est quelque chose que tu as rajouté en cours de route? Ou comment s'est fait un peu l'intégration, dans le fond, de cette chanson-là comme élément fort, élément centre, presque même, de ce récit-là? C'est une chanson que j'aime depuis que je suis petite. Je me rappelle même pas comment ça se fait que je suis tombée dessus. Je sais que mes parents avaient le CD. Je sais que je l'ai écouté au primaire, j'écoutais cette chanson-là en boucle. Dans l'album au complet, c'est celle-là qui m'avait marqué. Puis, je sais pas, je l'ai traînée avec moi. Puis, dans le fond, comme La Petite Révolution, c'est un amas de choses que j'aime, j'avais besoin de donner à Florence quelque chose de... C'est comme sa seule possession. C'est étrangement tangible, mais ça ne l'est pas non plus. C'est-à-dire qu'elle a un vinyle, ou un disque, en tout cas. C'est physique, elle l'a dans ses mains, mais ce qu'elle aime, c'est pas le vinyle, c'est la musique. Puis je voulais y donner quelque chose qui avait pas de prix. Puis c'est venu naturellement. Et puis en même temps, ça devient un peu, c'est l'élément qui est porteur d'espoir dans un monde qui est extrêmement sombre, dans une dictature qui semble extrêmement difficile, qui laisse beaucoup de gens sur le pod, sur la rue. Donc c'est l'élément de l'espoir qui va mener justement Florence dans son combat, conscient, inconscient puis conscient. Oui. Mais en même temps, elle se trompe un peu. Elle interprète un peu mal la chanson, puis Auguste aussi. C'était important de c'est une petite fille. Fait qu'elle va comprendre ce qu'elle veut bien comprendre de la chanson. Et en même temps, dans le récit, boum, c'est un peu le seul élément qui permet de raccrocher l'histoire à une région, à tout le moins à une langue, parce que sinon, c'est quelque chose d'assez intemporel. Donc, il y a des allures de période industrielle, mais ça pourrait être dans le futur comme dans le passé. Il n'y a pas de données géographiques non plus. Donc, c'était une volonté dès le départ de donner un côté intemporel peut-être un peu à l'histoire. Oui, j'ai longtemps réfléchi sur, justement, si j'allais inclure Boris Vian, parce que ça... pas que ça datait, mais en effet que ça datait dans le fond. Il fallait qu'au moins que ce disque-là ait existé pour que l'histoire ait lieu. Mais je voulais pas, je peux pas dire non, oui, ça se passe en France ou ça se passe au Québec ou peu importe. Il n'y a pas de lieu, je voulais que le monde l'interprète comme ils veulent. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date. J'aime mieux que j'aime beaucoup que les gens interprètent ça tout seul. Boris Vian, c'est un léger guide. Oui, puis en même temps, avec l'URSS qu'on mentionnait au départ, c'est une source d'inspiration, mais c'est pas non plus ce qui est représenté. C'est n'importe quelle dictature, au bout du compte. Oui. Je l'ai inventé. Ça pourrait être n'importe où. Et qu'est-ce qui a fait que tu le disais dès le départ, c'est une histoire qui gravite dans ton esprit depuis longtemps. La nouvelle, en fait, je pense que c'est autour de 2009. La BD maintenant 2012. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est une histoire que tu avais envie de nous porter? Qu'est-ce que tu aimerais aussi qu'on en garde de cette histoire-là, de l'histoire de Florence, dans le fond, que tu nous partages? Ben, j'aimerais que les gens continue, sauf qu'il y en a pas mal, mais c'est pas tout le temps le cas. Les personnages féminins, et surtout enfants, ils ont souvent, les personnages féminins sont stéréotypés, ils sont en détresse, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. J'aimerais que les gens comprennent que c'est possible d'avoir un personnage fort féminin qui va pas nécessairement sauver un personnage masculin. Il va se sauver toute seule, puis en tout cas, c'est ce qui m'importait d'abord, là, comme je disais tantôt, d'avoir un personnage fort malgré les apparences. Je voulais envoyer le lecteur d'un bord au début, puis finalement les ramener comme quoi Florence et pas ce qu'ils étaient, pas ce qu'ils en pensaient au début. Dans le fond, dès que j'écris de la fiction, j'ai tout le temps un personnage fort, en tout cas j'essaye. Puis en général féminin, j'aimerais ça que les gens se rappellent que si je suis capable d'écrire des personnages. Oui, puis si on veut, dans le fond, saisir l'essence de la petite révolution, ben, faut saisir l'essence de Florence aussi. Oui. Et parce que, dans le fond, les actions, ça s'en dévoiler, mais les actions qu'elle va porter en cours d'histoire, ben, vont être dominées par qui elle est, et c'est de qui elle est qu'on va aller chercher le sens de ce que tu nous racontes, dans le fond. Oui, c'est ça, cette révolution, dans le fond. Alors ben ça s'appelle donc La Petite Révolution, donc deuxième parution de la collection Anticyclone chez Front Froid. Boum, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine. Alors voilà donc, je rappelle donc La Petite Révolution de Boum chez Front Froid. Ah ben vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1 et ben quelques autres regards tiens sur les différents albums. On vous avait promis donc deux entrevues cette semaine, malheureusement ce sera pas possible donc finalement de s'entretenir avec Jake Dion autour d'Emeutra Golden Gate, mais donc mentionnons et rappelons qu'il y a deux albums donc disponibles dans le cadre de la collection Anticyclone. Et ben sinon quelques commentaires autres, notamment je parlais en début d'émission de l'association de critiques de bande dessinée, donc européen, Europe française, et eux ont eu l'occasion de couronner l'an dernier, donc leur meilleur album de 2012. Et c'est une distinction qui a été à l'album L'enfance d'Alan d'Emmanuel Guibert. Donc, c'est publié à l'Association. Et je dois l'avouer, j'étais bien content de le voir apparaître dans mes piles d'albums. Question de voir, justement, s'il en valait la peine, si c'était une récompense qui était méritée. Pour cet album qui se veut un peu une suite, un prélude à certains égards à la série, la trilogie La Guerre d'Alan qui avait été publiée entre 2000 et 2008. Donc, c'était une trilogie qui restituait un pan de l'existence d'Alan Cope, un Américain parti en Europe à 20 ans en pleine Seconde Guerre mondiale pour aller libérer la France. Et essentiellement, donc, dans cette histoire, l'enfance d'Alan, on va une nouvelle fois à la rencontre d'Alan Cope, mais cette fois-ci dans les années qui précèdent donc ce départ vers l'Europe, vers la guerre, donc vers son enfance et donc sa jeune enfance même. Donc, on découvre des anecdotes très pratiques, une crème glacée tombée d'un cornet, les comptines du jardin d'enfant. On voit des relations intimes aussi que cet enfant-là va développer, les premières amitiés, ses relations avec ses parents, avec donc des amis, des traumatismes aussi qu'il va vivre, notamment en fait un élément qui est en, disons, en... Qui amène un peu la conclusion de cet album-là qui est lié à la santé, à l'état de santé de sa mère, à la crise économique également de 1929 et ses conséquences, donc la pauvreté qui vient en compte aussi à l'intérieur de ça. Donc ça devient très intéressant même pour ceux qui n'ont pas lu La Guerre d'Alan, puisque il s'agit tout simplement donc de chroniques d'enfance, d'anecdotes, d'une suite d'épisodes liés un peu par la chronologie, par la thématique des souvenirs qui nous sont présentés. Et dans lequel, on découvre, dans le fond, un jeune garçon qui est à la découverte du monde, à la découverte de son univers, à la découverte de la vie, pas de son sens, mais de la manière dont on devrait y être confronté. Donc, ça devient extrêmement intéressant pour ça. Également, nous, Québécois, on se retrouve aussi dans une enfance qui est pas celle du Québec, qui est pas celle de la France non plus, mais qui est celle de la Californie du Sud. Donc, un univers du vieux Los Angeles, du vieux San Francisco, des distances, de la réalité, des constructions qu'on y trouve, des nouveaux quartiers, des nouveaux riches, des nouveaux pauvres, et tout ça dessiné à travers un trait noir et blanc minimaliste qui est élégant, qui est simple mais réussi, qui est senti et qui nous en donne suffisamment pour qu'on soit en mesure de recomposer justement les images, l'univers, cette réalité, mais qui nous en donne pas trop non plus pour ne pas nous gaver de ces images-là et nous les imposer, mais pour nous laisser aussi d'un côté reconstruire peut-être les souvenirs de cet homme, de ses souvenirs d'enfance, mais également nous faire sentir peut-être aussi l'aspect incomplet, l'aspect anecdotique, une partie dans le fond de ce que lui se rappelle, qui est une partie de ce que lui a vécu, un peu comme nous quand on nous demande les souvenirs de notre enfance, et on va se rappeler d'une partie, de certains éléments, de certains détails, de certains éléments plus généraux, mais on se rappellera pas non plus de l'ensemble. Donc je pense que l'approche graphique choisie par Emmanuel Guibert sert aussi l'ambiance et l'esprit de ce récit là et donc ça donne un album qui est réussi au point d'être le meilleur album de 2012, ça je dois l'avouer bien humblement, je ne saurais le dire puisque je n'ai pas lu assez d'albums à mon sens pour déterminer le meilleur, mais cela dit, d'un côté, si vous aviez apprécié ce que Guibert proposait avec La Guerre d'Alan, mais c'est certain, allez vous chercher L'enfance d'Alan, ça vient bien compléter tout ça, apporter un autre regard sur cet homme-là. Et parallèlement, pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie, mais qui ont envie justement de plonger dans ces chroniques d'enfance-là, c'est clair que vous allez trouver ça intéressant. Si le sujet vous intéresse, la facture par laquelle Guibert le présente, lui répond amplement. Alors voilà, donc ça c'est L'enfance d'Alan d'Emmanuel Guibert, c'est chez l'Association. Wow. Et voilà donc dernier extrait de la formation Monk tiré de leur album Raw Futuristics. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Raw Drafted. Et je vous rappelle en fait que l'album est disponible en téléchargement, au prix que vous voulez sur bandcamp.com si vous aimez donc ces ambiances. Et avant de terminer, en fait, j'en ai profité cette semaine vraiment pour descendre ma pile de BD et j'en suis bien content. Peut-être dernier petit clin d'œil avant de se laisser, notamment un nouvel album chez l'éditeur Olivius, Les filles de Montparnasse, tome 1, un grand écrivain, ça c'est de Najda, donc un album donc qui nous amène à Montparnasse à la fin du 19e siècle où une jeune femme érudite passionnée rêve d'évasion, se voit donc enfermée, entourée d'hommes troubles, essaie de trouver sa voie un peu à travers tout ça, et elle côtoie quelques colocataires, donc une peintre à la personnalité artistique affirmée, une chanteuse qui se trouve réduite à son corps, à son côté physique, et un modèle qui au contraire lui se plaît à être réduit, une modèle qui se plaît à être réduit justement à son côté physique, et elle cherche à travers ça donc cette femme à se lancer dans l'écriture, à trouver sa voie de manière littérale et littéraire, et tout ça dans un univers dessiné à la gouache, donc qui donne un côté graphique assez intéressant à ça. Une fresque historico-artistique où on donne une résonance concrète à ce qui se passe, un côté très historique peut-être un peu à ce qui est présenté par Nadja, et parallèlement un côté très onirique aussi parce qu'il y a beaucoup de séquences de rêves, parfois même des rêves érotiques qu'on découvre, et donc elle réussit vraiment à bien travailler son médium pour passer d'un genre à l'autre, d'un univers à l'autre, et sans qu'il y ait de césure à l'intérieur justement de sa narration. Donc ça fait quelque chose de graphiquement assez réussi. Évidemment, rien n'est parfait, donc le récit, ça reste quand même donc quelque chose qui est pas complètement nouveau, mais qui est pas inintéressant, évidemment, mais qui ressemble quand même aux traditionnelles histoires un peu plus typique là, de relations féminines, de recherche d'histoire de... Bon, en fait, il y a un petit côté stéréotypé, je trouve, là-dedans. Évidemment, c'est mon humble opinion, mais reste que le côté graphique est suffisamment intéressant, suffisamment fort pour donner peut-être un peu plus de cœur à l'histoire qui nous est présentée. Or, si jamais ça vous intéresse, c'est pas inintéressant, mais c'est pas un incontournable. Donc, Les filles de Montparnasse, tome 1 de Najda. Et c'est sur ce petit commentaire qu'on va terminer l'émission de cette semaine. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine. Plusieurs collaborateurs qui seront de passage, des invités également comme à l'habitude. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première édition et première émission de 2013. C'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes du 89.1 et on se retrouve vendredi prochain dès 17h30.